Nasbif, activation orale, adjectif possessif, personne du pluriel. Transformé selon l'exemple. Vous entendez. 1. Vous jouez à un jeu idiot. Et vous dites. Votre jeu est idiot. Allons-y. 2. Cécile et Mireille jouent à un jeu idiot. Leur jeu est idiot. 3. Nous jouons à des jeux idiots. Nos jeux sont idiots. 4. Nous jouons à un jeu amusant. Notre jeu est amusant. 5. Vous jouez à des jeux dangereux. Vos jeux sont dangereux. 6. Mes cousins jouent à des jeux dangereux. Leurs jeux sont dangereux.